me présente. Moi c'est Tony, 13 ans déjà j'ai cherché un remède à ma maladie. En cherchant un peu partout, je suis tombé sur mes écrits. Depuis ce jour, mon frère, j'essaie d'être droit dans la vie. Atteint de mélancolie et d'hyperactivité, donc tout ça m'a interdit beaucoup trop d'activité. Alors laisse-moi juste chanter, exprimer mes vérités. Pour mon cerveau c'est devenu une véritable nécessité. Car j'ai mal au cœur de voir mes frères s'entretuer. Et le plus souvent, c'est au centre que tu es. J'ai pris le mic mon frère, stopper les guerres, pour sauver le monde, c'est pour ça que tous les jours je persévère. Et c'est mon rap qui me libère, surtout quand j'ai trop les nerfs. La haine renforce tous mes textes, dégage une drôle d'atmosphère derrière le mic. Pour excuser ma colère, maintenant je regrette toutes les conneries que j'ai dites sur ma mère. Et ça me rappelle toutes les fois où j'ai menti à mon père. Donc j'ai pris mon vieux micro pour dire que j'en suis pas fier. Et crois-moi, tu dois le faire sans aucun instinct primaire. Remballer ta fierté te crée une volonté de faire. Mettre tous tes ennemis à terre sans jamais se laisser faire. En gros, réussir tout ça sans crier nique sa mère. Tu peux pas savoir comme j'aime mettre un morceau à terme ou galérer pendant des heures pour juste trouver un thème. Et c'est tout ça qui m'entraîne, qui m'emmène sans me foutre la haine vers mon but qui est de résoudre vos problèmes. Croyez-moi, je suis pas là pour le fric mais pour l'amour de la musique. Car j'aime proposer sur le beat, m'en bats les couilles de la maille et de toutes ces pétasses, de tous ces gens qui s'amusent à manier l'or et les liasses. Mon blaze est rodé, je suis là pour innover, rapper tous mes textes avec énorme sincérité. Pour les miens, pour ma famille, pour toute ma patrie, pour tous ces gens à qui sans hésiter je donnerai ma vie. J'aimerais trop stopper tous leurs cris, apaiser tous leurs soucis, les aider, les aimer, renforcer leur esprit. Pour ça que je suis derrière le micro, j'aime trop jouer avec les mots, parler de tous nos fardeaux. J'en suis devenu accro, j'en pour ma petite cousine qui est partie trop tôt. Pour décrire la douleur de ses parents, crois-moi, y'a pas de mots. Et je veux pas faire du mal, car je sais que c'est pas bien, mais faire le bien c'est peut-être mal. Donc moi je comprends plus rien, je veux pas passer pour un chien. Je veux juste faire mon chemin avec mon mic entre les mains pour la famille et les miens. Restons posés, sensés au mic, toujours érodés. Mon seul but, mon frère, c'est d'innover. Restez là pour les miens, pour toute ma famille, pour tous ces gens à qui sans hésiter je donnerai ma vie. Pour tous ces gens à qui sans hésiter je donnerai ma vie.